بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence le cours 3 maintenant dans l'explication du livre المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده, la bonne croyance, la croyance authentique qui est obligatoire à chaque musulman, d'y croire et d'avoir la conviction en cette aqida. Et on a expliqué dans les premiers cours l'introduction, puis on est rentré dans la question du tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on a expliqué les deux premières catégories du tawhid, le tawhid al-rububiyya et tawhid al-asma wa sifat, l'unicité d'Allah dans la seigneurie et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les noms et les attributs. Maintenant, on va rentrer dans un autre aspect qui est relié au tawhid, c'est la troisième catégorie, et c'est le but et l'objectif du tawhid, c'est l'aspect, si on veut, pratique du tawhid, parce que les deux premières catégories sont plutôt l'aspect théorique du tawhid. Les deux premières catégories, c'est les théories, c'est la théorie dans le sens que c'est la partie qui est reliée au savoir, à la connaissance, à l'intention, maintenant c'est l'aspect plus pratique du tawhid, la partie du tawhid qui est le fait de mettre en application ce qu'on connaît à propos du tawhid, ce qu'on connaît au sujet de l'unicité d'Allah, ce qu'on connaît au sujet de sa seigneurie et au sujet de ses noms et de ses attributs. Maintenant c'est l'application de ça dans nos adorations, c'est-à-dire de vouer un culte exclusif à Allah et de purifier Allah de tout partenaire ou de tout associé dans l'adoration. Et c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Donc le Cheikh Abdus Salam ibn Burjis rahimahullah, il dit: "Wa min jumlati i'tiqad ahli sunnah wal jamaa'ah ifraduhum Allah ta'ala bil 'ubudiyyah." Barakallahu fik. Donc c'est de rendre l'adoration, de la rendre exclusive à Allah et d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et donc les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a, parmi les musulmans qui s'accrochent au Coran et à la Sunna et qui suivent la compréhension et la voie des sahaba et des pieux prédécesseurs, lorsqu'ils adorent Allah, ils purifient Allah dans leur pratique et ils n'associent rien avec Allah dans leurs adorations. Il voue à Allah un culte exclusif et pur. Et ils détournent toutes leurs adorations à Allah seul, et ils n'offrent à autre que Allah aucune forme d'adoration. D'accord? Parce que celui qui offre à autre que Allah une forme quelconque d'adoration, il a commis ce qu'on appelle en arabe ash-shirku billah. Il a fait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ash-shirk, c'est le plus grand de tous les péchés. Donc, il dit, ils offrent toutes leurs adorations et leur obéissance à Allah seul. Donc, tout ce que Allah a ordonné qu'on fasse, tout ce qu'il aime ou tout ce qu'il ordonne, tout ce qu'il recommande, alors il faut le faire pour Allah sans lui associer quoi que ce soit et sans lui donner de partenaire. Et adorer lui seul. Donc, le Cheikh, il dit, on ne va pas se prosterner devant personne d'autre que Allah. On ne fait pas de tawaf, excepté autour de la maison que Allah a ordonnée, autour de laquelle Allah a ordonné qu'on fasse le tawaf. Celui qui fait le tawaf autour de quelque chose d'autre que la Kaaba, il a contredit l'ordre d'Allah. Celui qui fait un sacrifice et qui égorge un animal pour autre que Allah, comme pour une idole, pour une tombe ou un saint, il a commis du shirk parce qu'il a fait un acte d'adoration pour autre que Allah. De même que la personne qui fait des vœux pieux pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, comme les gens le font par exemple auprès des tombes des saints et de ceux qu'ils considèrent comme étant des awliya, ils vont à leur tombe et ils font des vœux auprès de ces tombes, en croyant que si les pieux, les hommes pieux et les tombes, hein, les hommes qui sont enterrés dans ces tombes-là, si yani, ils les exaucent, eh bien, ils vont aller auprès d'eux pour leur offrir des actes d'adoration en remerciement de les avoir exaucés ou des choses de ce genre. Allah al-Musta'an. Le fait de jurer par autre que Allah, hein, c'est du shirk aussi. Donc les gens de la sunna, ils ne jurent que par Allah seulement. Donc quand tu vois des gens, par exemple parmi les musulmans, ils disent « je jure par sur la tête de mon père » ou « sur la tête de ma mère » ou « je jure par l'honneur » ou « je jure par la Kaaba », hein, ça c'est pas permis, parce que ce sont des créatures d'Allah. Et on n'a pas le droit de jurer par les créatures d'Allah. On peut uniquement jurer par Allah seulement. Celui qui jure par autre que Allah, il a commis du shirk. Et également, ils ne mettent leur confiance que en Allah. Ils ne mettent pas leur confiance en une créature. Et lorsqu'ils font des du'as, des invocations, hein, lorsqu'ils prient, ils n'invoquent que Allah seul. Ils ne demandent pas rien d'autre excepté à Allah subhanahu wa ta'ala dans leurs prières et leurs invocations. Et donc ça, c'est le fait d'appliquer le tawhid dans notre adoration. C'est le tawhid al-uluhiyya. On l'appelle tawhid al-uluhiyya. Parce que al-uluhiyya, ça vient de al-ilah. Et al-ilah, ça vient de ça veut dire al-ma'boud. Hein? Comme les ulama ils disent, alaha ya'lahu, abada ya'budu. C'est un synonyme. Hein? Ça veut dire d'adorer. Donc on peut dire tawhid al-ibada. Et on peut dire tawhid al-uluhiyya, les deux c'est dans le même sens, le sens de l'adoration. Et les preuves de l'obligation de vouer un culte exclusif à Allah et que seulement Allah a droit à notre adoration, il y a plein de preuves dans le Coran à ce sujet-là. Le Coran est rempli de preuves sur ce point-là, du début jusqu'à la fin du Coran. Et parmi les versets à ce sujet, le cheikh il en a énuméré quelques-uns et on va les citer. Le verset 36 dans sourate An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. C'est-à-dire adorer Allah et n'associer rien avec lui. Et vous voyez qu'il y a toujours l'affirmation et la négation, ou l'ordre et l'interdiction, toujours ensemble. Pourquoi? Parce que c'est l'ordre d'adorer Allah seul et l'obligation de se désavouer ou de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc ce n'est pas seulement d'adorer Allah, mais aussi de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. D'accord? Donc ce n'est pas suffisant juste de croire que Allah c'est le maître, le créateur et qu'on l'adore, mais c'est de rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui aussi. Donc adorer Allah seul et n'associez rien avec lui, ne faites pas de shirk en associant quoi que ce soit avec lui. Le verset 23 dans sourate Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ça veut dire et votre Seigneur a ordonné que vous n'adoriez rien excepté lui. D'accord? Donc c'est l'exclusivité, c'est lui seul qui doit être adoré et rien d'autre et personne d'autre. Le verset 31 dans sourate Tauba, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا. C'est-à-dire, ils n'ont été ordonnés qu'ils adorent Allah, une divinité unique, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils n'adorent que lui, rien d'autre, excepté lui. Le verset 5 dans sourate Al-Bayyina, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. C'est-à-dire, et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah. Mukhlisina lahu ad-din, ça veut dire en purifiant leur adoration pour lui seul. Hein? C'est-à-dire en lui vouant un culte pur et exclusif. Hein? En purifiant notre religion pour lui, pour qu'elle soit uniquement pour lui seul, et en adorant Allah avec ikhlas. Avec ikhlas, c'est-à-dire de façon pure et exclusive. Et le verset 56 dans sourate Al-Dhariyat dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَعْنَى يَعْبُدُونَ يُوَحِّدُونَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 56 dans Surat al-Dhariyat ce qui signifie et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Mais quand on dit, quand Allah il dit qu'il m'adore dans ce verset-là, ça veut dire en fait qu'il m'adore moi seul, exclusivement, qu'il unifie, hein, qu'il m'unifie par leur adoration, en adorant que moi. Parce que le terme, donc comme Abdullah ibn Abbas il l'a expliqué, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est aussi turjuman al-Qur'an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua pour lui, en disant Allahumma faqihhu fi ddin wa 'allimhu at-ta'wil, c'est-à-dire oh Allah, donne-lui la compréhension de la religion et enseigne-lui la compréhension et l'explication du Coran. Donc les ulama ils l'appellent à cause de ça turjuman al-Quran, hein, l'explicateur du Coran, hein. Et parmi les explications qu'il a mentionnées par rapport à ce verset là c'est quand il a dit quand vous trouvez dans le Coran que c'est mentionné l'adoration, ça implique l'unification, c'est-à-dire le tawhid. Donc quand Allah dit « ya'budun », ça veut dire « yuwahidun », qu'ils adorent Allah en appliquant le tawhid, c'est-à-dire en l'adorant lui seul et de façon exclusive. Et il est également important de connaître le contraire du tawhid. Parce que si quelqu'un connaît le tawhid, mais il ne sait pas qu'est-ce que c'est le contraire du tawhid, il risque de tomber dans ce qui oppose le tawhid sans le savoir. Et c'est le cas de ce qui arrive à beaucoup de musulmans malheureusement, parce qu'ils ont négligé l'apprentissage de ce qui oppose le tawhid, et donc ils tombent dans toutes sortes de formes de shirk sans le savoir. Et ça c'est dangereux. Et on voit dans l'attitude de des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi nos salafs, cet exemple-là, il est présent. On voit l'exemple de Hudayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, qui disait كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني مخافة أن يدركني ذلك. Donc Hudayfa radiallahu anhu, il disait les gens avaient l'habitude de demander au messager d'Allah à propos du bien, et moi je demandais à propos du mal par crainte que cela m'arrive, hein, que cette chose me touche. Alors, il demandait par exemple à propos, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, à propos des choses qui sont mauvaises, des choses mauvaises pour être averti, pour être préservé de ce mal. Et on voit l'exemple du shirk qui est important donc de connaître, parce que c'est le plus grand péché par lequel quelqu'un peut désobéir à Allah. Il n'y a pas un péché plus important ou plus grave, hein, plus important en gravité que le shirk. Il n'y a pas un péché que quelqu'un peut commettre qui peut être plus sévère, plus grave que le shirk. Et donc c'est important de connaître sa signification et de savoir ce que c'est d'offrir à quiconque, à une chose quelconque ou à une personne quelconque, une forme quelconque d'adoration. Hein? Donc celui qui offre à quelque chose ou à une personne quelconque une forme quelconque d'adoration, hein? Alors il a commis le shirk. C'est ça le shirk. Ça c'est le shirk dans al-uluhiyya. Celui qui fait le shirk dans tawhid al-uluhiyya, il offre à quelqu'un ou à quelque chose en dehors d'Allah une forme quelconque d'adoration. Peu importe la forme d'adoration. Et l'adoration c'est quoi? La définition de l'adoration, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah l'a dit, toute parole ou action intérieure ou extérieure, toute action ou parole intérieure ou extérieure que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Hein? Donc, c'est ça. Toute parole ou action intérieure ou extérieure que Allah aime et agrée, ça c'est une adoration. Donc comment on fait pour savoir qu'une action ou une parole est aimée d'Allah? On regarde dans la révélation. Si on voit que Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné quelque chose ou qu'il a qu'il a été satisfait de quelque chose, ou qu'il a ordonné quelque chose, ou qu'il a agréé quelque chose, ça veut dire qu'il l'aime, ça veut dire que c'est une adoration. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné d'appliquer certaines choses. Donc ces choses-là, c'est des adorations. Si on les fait, on doit les faire que pour Allah. Et de façon générale, le musulman, dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il fait, il doit toujours chercher à plaire à Allah et à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu, l'adoration qu'on fait doit être faite selon l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'elle soit valable, sinon elle ne sera pas acceptée d'Allah. Donc le shirk, le shaykh, il dit que c'est le plus grave péché par lequel on peut désobéir à Allah, et il mentionne des preuves à ce sujet-là. Et parmi les preuves, la première qu'il a mentionnée, elle est mentionnée deux fois, le verset est mentionné deux fois dans Sourate An-Nisa. Hein, il se répète deux fois dans le Sourate An-Nisa, le verset 48 et le verset 116. Ce verset-là, il est fondamental, il est très important, et il permet de comprendre et de réfuter beaucoup d'erreurs, beaucoup de fausses compréhensions à propos de l'islam. Donc c'est bien de le connaître. C'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. » Ce verset-là, il se répète deux fois dans Sourate An-Nisa, le verset 48 et le verset 116. Sauf que la fin du verset, dans les deux endroits où il est mentionné, la fin du verset est différente. C'est-à-dire, le verset 48, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. » Et dans le verset 116, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. » Donc, qu'est-ce qu'il signifie ce verset-là? La traduction de ce verset, hein, ou du sens de ce verset, c'est le suivant. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on fasse du shirk avec lui, en associant quoi que ce soit avec lui dans l'adoration, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. Il pardonne tout autre péché qui serait moindre que le shirk à qui il veut. Et dans le verset 48, il dit, après cette partie-là, il dit « Et quiconque fait du shirk avec Allah a certes inventé un grand péché. Hein? » Et dans le deuxième verset, le verset 116, Allah subhanahu wa ta'ala, il termine le verset en disant « Et quiconque fait le shirk avec Allah s'est égaré d'un égarement lointain. » D'accord? Donc, qu'est-ce que ça implique, ce verset? Ça implique que si quelqu'un meurt sans se repentir d'avoir commis le shirk, eh bien, il sera en enfer pour l'éternité. Tandis que s'il meurt en étant sur le tawhid, sans avoir rien associé avec Allah, mais qu'il meurt en ayant commis un autre péché parmi les grands péchés, et les grands péchés sont moindres que le shirk, hein? On parle du shirk majeur. Alors dans ce cas-là, cette personne-là, on dit, il est sous la volonté d'Allah. Parce que Allah a dit وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. Donc, tout péché qui est moindre que le shirk, il le pardonne à qui il veut. Donc ça veut dire que si toi tu meurs et que tu as été sur le tawhid toute ta vie, et tu es mort sur le tawhid, tu n'as pas fait de shirk, mais que tu as commis des grands péchés et que tu t'es pas repenti de ces grands péchés-là avant ta mort, tu es sous la volonté d'Allah, dans le sens que si Allah veut te pardonner pour ces péchés-là, par sa miséricorde et son pardon, il va te pardonner. Par contre, s'il décide de te pardonner, tu vas rentrer au paradis directement, hein, dans ce cas-là. Mais s'il décide de ne pas te pardonner, par sa justice, il va te punir. Il peut te punir dans le châtiment de la tombe, il peut te punir dans l'enfer, tu vas rester dans l'enfer un certain nombre de temps que seul Allah connaît, puis après après cette période que Allah a décidé, hein, que seul Allah connaît, il va te faire sortir de l'enfer pour rentrer au paradis. Pourquoi? Parce que tu n'es pas mushrik, kafir. Hein? Tu n'as pas commis de shirk majeur, tu n'as pas commis de kufr majeur. Donc, dans ce cas-là, même si tu rentres en enfer, ce ne sera pas pour y demeurer éternellement, comme les mushrikines et les kuffars, mais ce sera uniquement pour être purifié de ce péché-là. D'accord? Et ensuite, tu vas rentrer au paradis, hein, pour y demeurer éternellement. Tandis que si quelqu'un meurt sur le shirk majeur ou le kufr majeur, eh bien celui-là, il n'a pas d'espoir de sortir de l'enfer. Une fois qu'il y rentre, il ne peut pas être purifié de ce péché-là, parce que c'est le plus grand péché. Donc ça, c'est la compréhension qu'on peut tirer de ces versets-là, qui nous montrent la gravité du shirk, puisqu'on sait que c'est le péché impardonnable. Mais c'est, quand on dit impardonnable, ça veut dire impardonnable pas dans le sens que Allah ne peut pas le pardonner si quelqu'un se repent de ce péché-là. La preuve, quelqu'un peut être mushrik ou kafir ou juif ou chrétien ou hindou ou bouddhiste ou autre, puis il dit « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah » et puis il devient musulman, il devient muwahid, il est sur le tawhid. Hein, s'il a dit cette phrase avec compréhension et il la met en application et qu'il meurt, il est musulman. Allah lui pardonne tout ce qu'il a fait comme péché auparavant. D'accord? Mais par contre, si avant de mourir, il commet du shirk, il prie à une créature, ou il se prosterne devant une statue, ou il adore autre que Allah, hein, puis qu'il meurt sans être devenu musulman, ou sans être venu à l'islam, ou sans avoir accepté l'islam, eh bien, dans ce cas-là, il est kafir, mushrik, il va être éternellement en enfer. D'accord? Donc ça, c'est un verset qui est très important. Il y a d'autres versets que le cheikh a cités ensuite, verset 31 dans surat al-Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, « Hunafa'a lillahi ghayra mushrikina bih, wa man yushrik billahi faka'annama kharra minas sama'i, fa takhtafuhu at-tayru C'est un verset dans Surat al-Hajj dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne, hein, que celui qui fait le shirk avec Allah, c'est comme si il tombait du ciel et que les oiseaux le happaient, hein, en plein vol ou en pleine chute pendant qu'il tombe, ou que le vent fort le souffle vers un endroit, hein, un endroit profond. Donc un gouffre ou quelque chose comme ça. Donc c'est pour dire que ça, c'est l'état et la réalité du mushrik. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit le verset 13 dans surat Luqman, il dit wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il cite l'exemple de la parole de Luqman à son fils lorsqu'il l'exhorte. Il commence, la première chose qu'il lui donne comme exhortation, c'est « Oh mon fils, ne fais pas de shirk avec Allah. » Certes, le shirk est la plus grande des injustices. Ça, c'est ce qui prouve que le shirk, c'est la plus grande des injustices. Il n'y a pas d'injustice plus grande que ça. Pourquoi? Parce que le tawhid, dans l'adoration, c'est un droit exclusif d'Allah. Et si tu offres cette adoration-là à autre que Allah, eh bien, tu as enlevé à Allah un de ses droits, quelque chose qui lui revient. Hein? Et donc ça c'est ça l'injustice même, il n'y a pas d'injustice plus grande que cette injustice là et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres formes de shirk, hein? Parce qu'il y a d'autres catégories de shirk aussi, comme on l'a mentionné dans les deux premières catégories. Il peut y avoir du shirk dans la rububiyya, hein? Lorsque quelqu'un, par exemple, il donne à autre que à Allah, comme par exemple le pouvoir de créer ou des choses comme ça. Ça, c'est du shirk dans la rububiyya. Hein, ou le shirk dans l'asma wa sifat aussi, dans les noms et dans les attributs. Quand quelqu'un donne à une créature des attributs divines, des caractéristiques divines, ça veut dire qu'il donne à Allah des partenaires dans ses caractéristiques, dans ses noms et dans ses attributs. Ou bien, il donne à Allah des semblables ou des égaux dans la rububiyya. Donc ça aussi, c'est du shirk. Mais même si ces formes de shirk là sont peut-être plus rares, La forme de shirk qui est la plus propagée, la plus répandue, c'est dans l'adoration en général. Hein, comme on l'a expliqué dans la première partie du cours. Et c'était en fait cette catégorie de tawhid que la majorité des prophètes sont venus corriger hein, chez leur peuple. Et c'est sur cette question-là qu'il y avait la grosse partie du conflit entre les prophètes et leur peuple. Ensuite, le shaykh il dit que le shirk, c'est quelque chose qui annule la validité de nos œuvres. C'est-à-dire que si quelqu'un, on va dire que quelqu'un qui est musulman, il dit « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah », il fait la salat, il donne la zakat, il fait le jeûne du ramadan, il fait le hajj, il fait toutes les adorations, le adhkar, il donne sadaqat, il fait beaucoup de bonnes œuvres, il aide les orphelins, les pauvres et les veuves, il aide les gens, il fait beaucoup de bien, mais qu'il commet du shirk, il prie à des tombes, il prie à des morts, il prie à des saints, ça veut dire que toutes ces œuvres-là qu'il a fait, ça devient comme vain, ça devient comme sans valeur, invalide, ça devient comme de la poussière, d'accord? Donc c'est pour dire qu'une œuvre, si elle n'est pas établie sur le tawhid, si on ne l'a pas appliquée sur le tawhid, eh bien ça annule la validité de nos œuvres. Et non seulement ça, ça nous fait sortir de l'islam complètement. Quelqu'un qui commet le shirk, il n'est plus musulman. Et même s'il se prétend musulman, il ne peut pas être considéré comme étant un musulman. Et le shaykh, il mentionne comme preuve à ce sujet-là, le verset 88 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَوْ أَشْرَكُوا لَا حَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » C'est-à-dire que s'ils commettent le shirk, s'ils avaient commis le shirk, tout ce qu'ils auraient fait comme œuvre aurait été annulé. Et le verset 88 dans Surat Al-An'am, il vient à la fin de l'énumération des différents prophètes qui ont été envoyés par Allah et les actions qu'ils ont faites. Et il dit à la fin de ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et s'ils auraient commis du shirk, ou s'ils avaient fait du shirk, ils auraient rendu vaines toutes leurs œuvres. Donc c'est pour dire, et dans un autre verset, le verset 65, dans Surat Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Donc ce verset-là dans Surat Az-Zumar, verset 65, qui signifie, et nous t'avons révélé à toi, c'est-à-dire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah il s'adresse à lui directement, وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, et à ceux qui ont été envoyés avant toi, hein, et à qui on a révélé avant toi, لَإِنْ أَشْرَكْتَ, hein, si tu faisais du shirk, hein, si tu aurais commis un acte de shirk, ou si tu aurais adoré autre que Allah, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, c'est-à-dire ton œuvre aurait été vaine, elle n'aurait plus de valeur. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, et tu aurais certes été du nombre des perdants. Donc ça veut dire, peu importe, ça veut dire, si Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ça à propos des prophètes, alors que les prophètes sont protégés, infaillibles, de tomber dans le shirk, protégés de tomber dans le shirk, malgré ça, il dit ça à leur sujet, alors ça veut dire qu'il n'y a personne qui est exempté de cette menace. Que si quelqu'un, peu importe son degré, peu importe son niveau, peu importe son statut dans la foi et dans la religion, que s'il commet du shirk, hein, même s'il avait passé 90 ans dans l'adoration et dans la foi et dans la piété et dans l'islam, mais qu'il commet un acte de shirk, ses œuvres deviennent vaines, comme s'il n'avait rien fait du tout. Et il devient du nombre des perdants. Et le cheikh il dit ensuite, وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. Donc c'est un hadith rapporté par l'imam muslim dans son sahih selon Jabir ibn Abdullah رضي الله عنه que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, quiconque rencontre Allah sans avoir associé quoi que ce soit avec lui, sans avoir fait de shirk avec lui, il rentre au paradis. Tandis que celui qui rencontre Allah en ayant fait du shirk avec lui, en ayant associé avec lui quoi que ce soit, il rentre en enfer. Un autre exemple, Il dit, وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. Abdullah ibn Mas'ud, il dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque meurt alors qu'il invoque en dehors d'Allah un égal qu'il attribue à Allah ou qu'il associe avec Allah, alors il entrera en enfer. Il entrera en enfer parce qu'il a fait du shirk. Et donc, comme on disait tout à l'heure, qui est le mushrik? C'est quoi la définition du mushrik? Eh bien, la définition du mushrik, elle correspond plutôt à la définition du shirk. Si tu connais la définition du shirk, tu vas connaître la définition du mushrik. Et le shaykh dit فَمَنْ صَرَفَ نَوْعًا مِنَ نَوَعِ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكِ. C'est-à-dire, quiconque a voué ou a offert une forme quelconque d'adoration à autre que à Allah, alors c'est un mushrik, un kafir. Et donc ça veut dire que c'est pas comme certaines personnes qui s'imaginent que le mushrik, c'est seulement celui qui prie devant une statue. Hein? Il y en a beaucoup de gens qui ont cette notion-là, que si tu pries à une statue, ça c'est du shirk. Mais si tu pries pas à une statue, c'est pas du shirk. Et ça c'est une erreur. Parce que tu vois par exemple, certains parmi les gens qui adorent les tombes ou qui prient à des morts, ils vont par exemple faire des doigts aux tombes de ceux qu'ils considèrent comme étant des hommes saints ou des pieux ou des awliya ou des sayyids, comment ils les appellent. Eh bien, ils disent non, nous on n'est pas des mouchriquines. On ne se prosterne pas devant une idole. Hein? On n'adore pas une idole. On n'adore pas une statue. On porte notre respect envers cet homme-là parce qu'il était un salih, il était un homme. Hein? Respectable, un homme pieux. Donc ça, ils disent non, ça c'est pas du shirk. Ça ne fait pas une différence. Peu importe la chose à laquelle tu offres ton adoration, depuis que c'est autre que Allah, peu importe qu'est-ce que c'est, depuis que c'est autre que Allah, c'est du shirk. Si tu lui offres une forme quelconque d'adoration et que c'est autre que Allah, c'est du shirk. Que ce soit un prophète, même si c'est un des prophètes d'Allah, comme les chrétiens qui prient à Jésus, ou bien si c'est un musulman qui prie au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou si c'est un prophète autre, Moussa, Ibrahim, peu importe. Si tu leur offres de l'adoration, c'est du shirk. Ou ce soit un ange rapproché, Jibril, ou un autre parmi les anges, ou que ce soit un djinn, hein? Parmi les djinns, on les voit pas, il y en a qui leur vouent des actes d'adoration. Il y a dans les pays musulmans, il y a dans certains pays musulmans, des gens qui offrent des adorations aux djinns. Soit parce qu'ils leur égorgent des animaux. Hein? Je vous donne quelques exemples. Par exemple, il y a des gens dans certains pays musulmans, quand ils vont construire une maison quelque part, ils disent, on veut être protégés contre les djinns qui habitent ici, pour pas qu'ils nous fassent du mal. Donc on leur égorge un animal, pour se protéger contre eux et pour qu'ils nous fassent qu'ils vont pas nous faire du tort par la suite, et ils pensent que ça c'est une protection contre le djinn. Ça c'est du shirk, hein? Lorsqu'ils construisent un bâtiment, lorsqu'ils font des choses comme ça, ça c'est des exemples. Il y en a même qui font des pèlerinages à des djinns, subhanallah. Et j'ai vu ça dans certains pays musulmans. Par exemple, il y a des endroits où, dans certains endroits où il y a des grottes, où il y a des trous dans la nature, et les gens vont à ces endroits-là pour prier ou adorer certains djinns. Hein? Et parmi les rites qu'ils ont à faire pendant ce pèlerinage, ils doivent passer à travers un trou ou une grotte dans la terre. Hein? Et ça fait partie pour eux des rituels qu'ils doivent exécuter pour adorer ce djinn-là. Hein? Peut-être que ils ne réalisent pas que ça c'est du shirk. Ils ne pensent pas que c'est du shirk, mais c'est du shirk. Et j'ai vu ça des exemples, j'ai lu des livres comme ça qui mentionnaient que certains parmi les gens dans les pays musulmans qui ont cette croyance-là, ils vont même parfois faire des actes d'adoration pour demander les services ou l'aide des djinns. Et ça rentre dans le sihr, ça rentre dans les questions de sihr, sha'wadha, et toutes sortes de formes hein, d'idolâtrie. Il y en a qui demandent le service des djinns et ils font le sihr, comme je dis. Il y en a qui font la voyance. Il y en a qui se basent sur la voyance. Il y en a d'autres qui prétendent demander l'aide du djinn pour connaître le rêve, hein, l'horoscope ou des trucs comme ça. Tout ça, ça rentre dans le shirk. Beaucoup de musulmans savent pas ça. Hein? Beaucoup de musulmans savent pas ça. Donc, tout ça pour dire qu'il y a toutes sortes de façons que quelqu'un peut faire le shirk. Tu peux faire le shirk en adorant les étoiles, le soleil, la lune, les arbres, les roches, les pierres. Hein? Il y a toutes sortes. Il y a des choses que les hommes peuvent adorer qui ne sont pas visibles. Comme les djinns, comme par exemple, hein, je vous dis. Quand je vous parlais au premier cours, je vous ai parlé en Haïti comment les gens ont pris les lois et tout ça. Eh bien, ça rentre dans l'adoration des djinns, comme ça. Hein. Ils veulent quelque chose, ils vont offrir quelque chose en échange. Ils veulent un service des djinns, ils vont faire une adoration pour les djinns, demandent quelque chose en retour. Et c'est qui est-ce qui fait la transaction, hein? C'est qui établit la connexion? C'est le prêtre, ou le prêtre voodoo, bien le ougan, hein? Ou bien si c'est de la sorcellerie, il y a les boko aussi. Tout ça, c'est des exemples. Par exemple, le djinn, il rentre dans le corps de la personne, il le possède. Hein? Et puis, il y a des trans, toutes sortes de choses comme ça. Donc tout ça pour dire qu'il y a des gens qui adorent n'importe quoi, et c'est pas parce que c'est pas une statue que c'est pas de l'idolâtrie, que c'est pas du shirk. Tout ça c'est considéré comme étant du shirk. Donc la définition, c'est important que vous la connaissiez, que vous la compreniez. Toute personne qui offre à autre que Allah une forme quelconque d'adoration, c'est un mushrik, il a commis du shirk. D'accord? Peu importe à qui il a offert cette adoration-là. Hein? Et il dit, Ad-du'a la yusraf illa lillah. Donc le du'a, c'est une adoration. Du'a, c'est une adoration. Si tu fais ton du'a, tu demandes à autre que Allah, tu as commis du shirk. Hein? Donc celui qui invoque Allah seulement, c'est un musulman, il est sur le tawhid. Celui qui invoque d'autres avec Allah, il est dans le shirk. Il demande à autre qu'Allah, il a fait du shirk. Et les preuves de ça, dans le Coran, il y a plusieurs versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le verset 106 dans surat Yunus. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin." Donc il dit dans ce verset ce qui signifie: et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut ni te nuire ni te profiter, ou ni te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, certes, tu seras du nombre des injustes, c'est-à-dire du nombre des mouchriquins. Hein, parce que le shirk, c'est le zolm. Et si tu fais partie du nombre des zalimin, parce que tu as invoqué d'autres que Allah, donc tu deviens un mouchriq. Le verset 117 dans surat al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَنَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là: et quiconque invoque avec Allah une divinité quelconque et il n'y a pas de preuve, hein, pour lui, alors son jugement n'incombe qu'à Allah. Hein? Il trouvera son jugement auprès de son Seigneur. Allah ne donne pas le succès aux mécréants. Ça prouve que celui qui fait le dua à autre qu'Allah, il est un kafir. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit: innahu la yuflihu al-kafirun. Allah ne donne pas le succès aux kafirun. Dans un autre verset, dans surat al-Jinn, 18 à 20, dans les versets 18 à 20, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ces versets, il dit: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. Donc dans ces versets là, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ce qui signifie: et certes les mosquées, hein, les lieux d'adoration, ou les lieux d'adoration appartiennent que à Allah. Alors n'invoquez personne avec Allah. N'invoquez personne avec Allah. Et lorsque le serviteur d'Allah s'est levé pour l'invoquer, il faillit se précipiter vers lui. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans l'autre verset, dit, hein, je n'invoque que mon Seigneur et je n'associe rien, hein, avec lui. Innama ad'u Rabbi, je ne fais qu'adorer mon Seigneur. Wala ushriku bihi ahada, et je n'associe rien avec lui. L'autre verset qui est cité, le verset 14 dans sourate Ar-Ra'd, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, lahu da'watul haqq walladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in illa kabasati kaffayhi ila al-ma liyablugha fahu wa ma huwa bi balighihi wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal. Donc dans le verset 14 dans sourate Ar-Ra'd, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, c'est à lui que revient l'invocation de vérité, l'appel de vérité. Il dit, et ceux qui invoquent en dehors de lui, hein, ceux qui invoquent d'autres choses en dehors de lui, ils ne peuvent leur répondre en quoi que ce soit, excepté comme la personne qui prend de l'eau avec sa main pour la ramener à sa bouche, et il n'y a rien qui arrive, hein, il n'y a rien qui peut l'atteindre. Donc il n'arrive pas à la ramener jusqu'à sa bouche. Il dit, et l'invocation des mécréants n'est que de l'égarement. Et il mentionne également le verset 20 à 21 dans sourate An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces deux versets dans sourate An-Nahl, et ceux, hein, qui invoquent en dehors d'Allah, hein, ceux qui invoquent en dehors d'Allah, ceux qui ne peuvent rien créer, hein, alors qu'ils sont eux-mêmes créés, et ils sont morts, et ils ne sont pas vivants, et ils ne peuvent même pas savoir quand est-ce qu'ils vont être ressuscités. Hein? Donc ça, c'est la réalité de ceux qui adorent d'autres choses que Allah subhanahu wa ta'ala, et qui prient à des morts, hein, et à des gens. C'est comme tu dis à des gens, par exemple, comme les chrétiens qui, parfois, ils prient Marie, et ils disent Sainte Marie, Mère de Dieu. Hein? Ils disent Sainte Marie, Mère de Dieu. Déjà, ils attribuent à Allah une mère. Hein? Allah al-Musta'an. Et ils disent ensuite, priez pour nous, pauvres pécheurs. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Elle est décédée, rahimahallah. Elle est dans sa tombe. Elle ne peut même pas prier pour elle-même. Comment elle pourrait prier pour les pécheurs? Hein? Elle ne peut pas. Si elle était vivante, et que nous on était vivants à son époque, et qu'on pourrait la voir pour lui dire, hein, ya Maryam, fais des doigts pour nous, demande à Allah pour qu'il nous pardonne, oui, ça c'est possible. Mais après qu'elle soit morte, après qu'elle soit enterrée depuis des siècles, toi tu viens puis tu dis, Sainte Marie, priez pour nous, pour vos pécheurs, ça c'est du shirk, hein, ça c'est de l'idolâtrie. Donc ça c'est pas permis. Ils sont vivants, ils sont morts, ils ne sont pas vivants, ils n'ont rien créé, ils ne peuvent rien créer. Donc pourquoi tu vas les invoquer en dehors d'Allah? Le verset 213 dans sourate Ash-Shu'ara, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونُ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. Il dit, et n'invoque pas en dehors d'Allah une autre divinité, sinon tu seras du nombre de ceux qui seront châtiés. Et il mentionne dans sourate Az-Zumar, Surat Fatir, pardon, les versets 13 et 14. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Ça veut dire, hein, ces versets-là signifient, et Allah fait rentrer la nuit dans le jour, et le jour dans la nuit. Et il a assujetti le soleil et la lune. Chacun avance jusqu'à un terme fixe, hein, un terme déjà fixé. Voilà votre Seigneur, à lui appartient le royaume. Et ce que et ceux que vous invoquez en dehors de lui, ils ne possèdent même pas la pellicule du noyau de date. Qu'est-ce qu'on appelle qitmir? C'est quand on mange la date, il y a le noyau à l'intérieur. Par-dessus le noyau, il y a une pellicule fine, hein, comme une petite peau fine. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, la yamlikuna min qitmir, c'est-à-dire ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, ils ne possèdent rien dans l'univers, même pas la peau de la pellicule du noyau de date. Hein, subhanallah. Hein? Et il dit ensuite, in tad'uhum la yasma'u du'a'akum. C'est-à-dire, si vous les invoquez, premièrement, ils n'entendent même pas votre dua. Vous les invoquez, vous les appelez, ils sont dans leur tombe, ils ne peuvent même pas vous entendre. Et il dit, وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ. Il dit, même s'ils pouvaient vous entendre, ils ne peuvent pas vous répondre. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. Et en plus, troisièmement, et au jour de la résurrection, ils vont renier hein, le shirk que vous faisiez avec eux, en les associant à Allah par vos adorations. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Et il n'y a personne qui peut vous informer mieux que celui qui est bien informé. Hein? Et le verset, ensuite, l'autre verset qui est cité, le verset 38 dans Surat Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَمْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عليه يتوكل المتوكلون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 38 dans sourate Az-Zumar, et si tu leur demandais, c'est-à-dire aux mushrikoun, hein, qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire certes c'est Allah, hein. Donc ils disent que c'est Allah le créateur. Et après Allah subhanahu wa ta'ala dit au Muhammad, à ces gens-là, à ces mushrikins, il dit, avez-vous vu ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah me veut un mal quelconque, est-ce que ces divinités-là, elles pourront me délivrer de ce mal? Si Allah a décidé qu'il y a un mal qui va me toucher, est-ce que ces créatures-là, hein, ces idoles-là, elles pourront me protéger de ce mal? Non, hein, parce que c'est Allah qui décide. Et si Allah veut me faire une miséricorde quelconque, est-ce qu'elle, elle peut retenir la miséricorde d'Allah, empêcher que la miséricorde d'Allah me touche? Non, elles ne peuvent pas empêcher. قُلْ حَسْبِ اللَّهِ. Dis au Mohammed, à ces gens-là dans ce cas-là, alors Allah me suffit. Il n'y a pas besoin d'autre. Allah me suffit parce que c'est lui qui contrôle tout. وَعَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. Ceux qui ont التوكل, ceux qui veulent mettre leur confiance en quelqu'un, ils doivent mettre leur confiance en Allah. Et c'est sur lui que les gens qui cherchent à mettre leur confiance doivent mettre leur confiance. D'autres versets à ce sujet, les versets 4 et 6. 4 et 6 dans Sourate Al-Ahqaf, Allah subhanahu wa ta'ala dit: قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ces versets, dis au Muhammad, à ces gens-là parmi les mushrikins, avez-vous vu ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Est-ce qu'ils ont créé quelque chose dans la terre? Montrez-moi. Qu'est-ce qu'elles ont créé en dehors d'Allah? Hein? أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ. Est-ce qu'elles possèdent une part quelconque dans les cieux qui leur appartient? تُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا. Amenez-moi un livre, hein, une preuve quelconque, dans un livre révélé avant celui-ci. Hein? Amenez-moi la Bible, amenez-moi votre livre. Montrez-moi où est-ce que c'est écrit qu'il y a des partenaires avec Allah, où il y a d'autres qu'on doit adorer avec Allah. Hein? أو أثارة من علم, ou bien une trace de science quelconque. إن كنتم صادقين, si vous êtes véridiques. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne peut même pas lui répondre jusqu'au jour de la résurrection. Et ils sont insouciants de leurs invocations. Et lorsque ils seront ressuscités, lorsque les hommes seront rassemblés au jour de la résurrection, ils seront pour eux des ennemis. Hein? وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Et ils vont être, hein, ils vont renier leur adoration, l'adoration que ces gens-là leur vouaient. Donc c'est pour dire que C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans l'autre verset dans Sourate Al-Baqarah, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Dans Sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque ceux qui ont été suivis se désavoueront de ceux qui les ont suivis et que les liens entre eux seront coupés. Parce que ceux qui ont été suivis par des gens et qui ont été adorés par des gens ou suivis dans le faux par d'autres gens, les gens vont venir les voir et vont dire, c'est toi qu'on a suivi dans la vie d'ici-bas. Et eux vont dire, je ne vous connais pas, je n'ai rien à voir avec vous, je ne vous ai jamais ordonné de m'adorer ni de me suivre. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset, وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Et après ils ont dit, c'est pas la suite, vous connaissez, وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. J'ai un blanc de mémoire là. وقال الذين كفروا لو أن لنا كرة لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la signification du verset que si on pouvait seulement, les mécréants vont dire, si seulement on pouvait retourner dans la vie pour se désavouer d'eux, comme eux se sont désavoués de nous maintenant, ils souhaiteraient que ce serait possible. Hélas, non. C'est pour ça qu'ils deviennent des ennemis, dans l'au-delà. Et tu vois même les exemples que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnés dans d'autres versets, les disputes des gens de l'enfer. Ils disent, c'est eux, oh Allah, c'est eux qui nous ont fait venir ici dans l'enfer, à cause d'eux on est ici. Donc tu dois leur doubler le châtiment. Et eux ils répondent, ils disent non, c'est vous qui nous avez suivis, on ne vous a pas forcé. Et puis en plus, Allah il dit par la suite que la malédiction soit sur vous tous. Pour avoir mécru. Donc c'est pour dire que ils vont tous se détester. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin. Kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasarat 'alayhim wa ma hum bi kharijin min an-nar. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala leur montre leurs œuvres qui seront source de remords contre eux. Et ils ne vont pas sortir du feu. Donc c'est pour dire que ceux qui adoraient d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont aucune justification, aucune preuve. Il n'y a rien qui supporte qu'est-ce qu'ils font. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui est rapporté dans les sunan, selon An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, Al-du'a'u huwa al-ibada. Ça c'est la preuve. Parce que croyez-le ou non, parmi des gens de l'égarement, il y en a parmi les gens qui se disent musulmans et qui font partie des musulmans, qui se prétendent musulmans, qui adorent des tombes et qui prient à des morts et qui prétendent que de faire des doigts pour autre que Allah, c'est pas du shirk. Et un de leurs arguments dans ça, c'est de prétendre que le doigt c'est pas une adoration. Ils disent non, le doigt c'est pas une adoration, c'est juste un appel. Normal, il y a pas de shirk là-dedans. Et même si le shirk c'est un appel, c'est une adoration. Et ils disent, si c'est une adoration, alors ça veut dire que si tu es comme ça ici, par exemple, puis que tu appelles quelqu'un, tu dis, ah, Abdul Malik, viens m'aider pour prendre le café ici. Ils disent ça veut dire que tu l'as appelé, donc ça veut dire qu'on est tous des mouchriquines dans ce cas-là, parce qu'on appelle quelqu'un. Et ils ne font pas la différence entre le fait d'appeler quelqu'un qui est vivant, et qui est présent, et qui est capable, et d'appeler quelqu'un qui est mort ou qui est absent et qui est, tu lui demandes quelque chose que seul Allah est capable de faire. C'est pour ça que, vous voyez, c'est important de bien comprendre et de bien comprendre et de bien connaître les preuves au sujet du tawhid. Pour être capable de réfuter ces gens-là qui ramènent des choubouhats pour essayer de justifier le shirk qu'ils font. Et croyez-le ou non, mais ils ont même écrit des livres pour essayer de justifier ça. Oui. Et donc quand, par exemple, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et les autres ulama qui étaient sur la sunna, Cheikh Ibn Taymiyyah, ils ont écrit des livres pour prouver, établir que quiconque invoque autre que Allah, il est mushrik. Eh bien, eux, ces gens de l'égarement, ils ont essayé de réfuter ça. Et essayer de prouver que non, d'invoquer autre qu'Allah, c'est pas du shirk. Et c'est pas de faire des doigts pour autre qu'Allah, c'est pas, une adoration. Et que c'est pas, donc, par conséquent, c'est pas du shirk. Et donc, il n'y a rien de mal à faire ça. Et même que celui qui interdit ça, c'est lui qui est kafir. Donc, c'est comme si pour eux, celui qui appelle au tawhid, c'est un kafir. Et celui qui appelle au shirk, c'est lui le vrai musulman pour eux. Donc, c'est le monde à l'envers. Et donc, du hadith, ad-du'a ou huwa al-ibada. C'est-à-dire, le du'a, c'est l'adoration. Le du'a, c'est l'adoration. Parce que c'est la base même de l'adoration. Dans presque toutes les adorations, tu dois faire le du'a. Dans la salat, tu fais le du'a. Et dans le hajj, tu fais le du'a. Et dans presque toutes les adorations, il y a toujours le du'a dedans. Parce que c'est la communication que tu as avec ton Créateur. Tu l'invoques, tu le glorifies, tu lui demandes. Et donc les ulama, ils ont dit, il y a une différence. Si quelqu'un, il demande à quelqu'un qui est présent, qui est capable, et tu lui demandes quelque chose qu'il est capable de faire, ça c'est permis. Dans l'islam, c'est pas du shirk. Mais si tu demandes à quelqu'un qui est absent ou qui est mort, pas pareil. Et eux, ils disent, non, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on peut lui demander, même après sa mort, parce qu'il est vivant dans sa tombe. Donc c'est pour vous dire, c'est vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est vivant dans sa tombe, mais malgré ça, cette vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa tombe, c'est pas une vie qui est comparable à la vie dans cette vie d'ici-bas. La vie du barzakh, qu'est-ce qu'on appelle le barzakh? C'est l'étape entre cette vie d'ici-bas et la résurrection. C'est un monde, une vie dans ce monde, comme les martyrs aussi qui sont vivants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ne dites pas à propos de ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts, ils sont vivants dans leur tombe. Mais ce n'est pas la vie comme la vie d'ici-bas. Et elle n'est pas régie, cette vie-là, par les mêmes règles que les règles de la vie d'ici-bas. Sinon, dans ce cas-là, on ne pourrait pas dire que quelqu'un est mort. S'il est parmi les martyrs ou les prophètes, les ulama, ils ont utilisé comme parmi les arguments qu'ils ont utilisés, ils ont dit, regardez, les sahaba, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'ils avaient une question sur la religion, ils n'allaient pas demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa tombe de leur répondre. Ils allaient chercher dans le Coran, dans la sunna, les réponses. Et plein d'autres exemples, il n'y en a aucun d'entre eux qui allait voir le professeur Sam dans sa tombe pour lui demander quoi que ce soit. Donc c'est pour dire, c'est triste d'avoir à répondre à ce genre de shubuhat, d'ambiguïté ou bien de faux arguments, mais il faut savoir qu'il y a des gens déviés qui ont ce genre de croyances-là, parmi les gens qui se disent musulmans et qui défendent ce genre de propos-là. Et en particulier chez les soufis, de trouver ce genre de choses-là. Et si j'aurais peut-être même amené certains de leurs livres pour vous montrer ces choses-là qui sont écrites dedans. C'est des choses aberrantes, comme on dit, mais ça existe. Et vous devez être au courant de ça pour que si vous les entendez vous aussi, vous dire, ah vous les wahhabiyas, vous ne croyez pas aux hommes pieux, vous n'avez pas de respect pour les hommes pieux. Et nous, on les invoque en dehors d'Allah parce qu'on les respecte. C'est pas du shirk. Donc, tu peux l'appeler respect ou autre nom, mais c'est la réalité de ce que tu fais, c'est du shirk avec Allah. Parce que tu leur offres une adoration quelconque. Donc, ça, dans ce cas-là, c'est du shirk. D'accord? Et il faut comprendre aussi la différence entre le vivant et le mort. Et parmi les exemples qu'ils ont dit, pour montrer, par exemple, pour essayer de dénigrer les gens qui appellent au tawhid et ceux qu'ils appellent des wahhabiyas, ils ont dit pour eux, pour ces gens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort, il n'est pas plus utile à l'un de nous qu'une canne. Parce que la canne, tu peux l'utiliser pour marcher, tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort, tu ne peux plus l'invoquer. Quel exemple ça? Ça, c'est pas un argument même de mentionner ce genre de choses-là. Au contraire, la foi en le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de croire que c'est un messager d'Allah, de croire que c'est lui qui a transmis la révélation d'Allah, de croire que tu dois suivre son exemple et sa sunna, que tu dois obéir à ses ordres. Ça fait partie de qu'est-ce qui peut te servir, et c'est ce qui va te protéger de l'égarement et qui va te protéger du châtiment de l'enfer, parce que ça, c'est parmi les éléments de la foi et de la croyance en tant que musulman. Mais de là à aller à vouloir l'élever à un degré de divinité, de vouloir le déifier ou de vouloir lui offrir de l'adoration et de faire comme lui ce que les chrétiens ont fait avec Isa ibn Maryam, ça c'est de dépasser la limite, hein. Et c'est pour ça que, yani, il faut faire attention par rapport à ça. Le cheikh, il dit ensuite que le tawhid dans l'adoration, c'est là-dessus que s'était produit le conflit. C'est là-dessus que la dispute et le conflit entre les messagers et leur peuple s'était produit. Et ensuite, il explique que tous les messagers que Allah a envoyés à l'humanité, ils ont tous été envoyés pour le tawhid et pour clarifier le tawhid à l'humanité. Et que tous les livres qui ont été révélés sont venus pour expliquer et clarifier l'unicité d'Allah et le tawhid. Il ne faut pas croire que les juifs et les chrétiens n'ont aucune notion du tawhid. C'est faux. Parce que dans leurs livres, les bases et les fondements de la croyance au tawhid sont mentionnés. Il y a dans leurs livres, même si on mentionne juste les 10 commandements dans l'Ancien Testament, c'est déjà suffisant pour faire comprendre que les juifs et les chrétiens savent qu'il faut adorer Dieu seul et qu'on ne doit faire aucune représentation de quoi que ce soit de ce qui est dans la terre, dans les cieux, sur la terre et dans la mer. Ça, c'était explicitement mentionné dans les 10 commandements. Hein? Et il y a plein d'autres versets même qui mentionnent que ceux qui adorent d'autres que Dieu, d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des gens qui ont blasphémé contre Allah. Il y a plein de versets sur ce sujet-là dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Malgré que ces livres-là ne sont pas restés, intacts, hein, et qu'ils ont été falsifiés, mais ils restent, malgré tout, dans leurs livres, plein de versets et de preuves qui établissent l'unicité d'Allah et le tawhid d'Allah. C'est pourquoi, lorsque tu veux argumenter ou expliquer à un chrétien ou à un juif la véracité de l'islam et le tawhid, eh bien, tu peux leur expliquer ça. Et beaucoup d'entre eux, s'ils ont déjà lu leurs livres, s'ils ont certaines notions de la religion et des textes de leur religion, ils vont tout de suite admettre et avouer et accepter que ce que tu dis à propos du tawhid, c'est la vérité. Ils ne peuvent même pas remettre ça en question. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord? Et ça, c'est justement le point central et fondamental sur lequel tu dois te concentrer lorsque tu invites un chrétien ou un juif à accepter l'islam. C'est très, très, très important. Malheureusement, beaucoup de musulmans négligent ça. Ils prennent la question du tawhid comme étant une question parmi d'autres. Hein? Et ils se concentrent sur des choses qui sont importantes en islam, mais qui ne sont pas la base. Par exemple, le bon comportement, le respect des parents, l'obéissance, et beaucoup d'autres questions de ce genre. Mais ces choses-là sont, même si ces choses-là sont extrêmement importantes en islam, mais elles ne sont pas les fondements et la base même de la religion musulmane. D'accord? Donc c'est pour cette raison-là que il faut toujours, lorsqu'on parle avec eux, les ramener à cette base-là, et à ce principe-là. Parce que sinon, vous voyez les chrétiens, si vous rentrez dans des discussions avec eux, ils vont vous amener à l'est et à l'ouest, au nord et au sud. Ils vont vous amener partout, dans tous les sujets. Et vous n'allez jamais arriver à aucun résultat et aucune conclusion avec eux, parce que c'est des choses qui ne sont pas fondamentales. Mais si vous retournez toujours au tawhid, à l'unicité d'Allah, eh bien, vous allez voir que sur ce terrain-là, eh bien, vous êtes capable de les convaincre et de leur expliquer l'unicité d'Allah avec les preuves, et ils ne peuvent pas remettre quoi que ce soit de ça en question. Hein? Et s'ils acceptent ce principe-là, et qu'ils y croient avec certitude, eh bien, de croire en le reste, c'est très facile par la suite. D'accord? Donc, il faut commencer par le commencement et la base, et le reste, ça vient par la suite. Et tous les messagers, quand ils ont commencé le message à leur peuple, ils ont commencé par le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 36, dans surat, dans surat al-Nahl, il dit « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتُ » C'est-à-dire, nous avons envoyé, nous avons suscité dans chaque nation un messager leur disant « Adorez Allah seul et écartez-vous du tawhid. » Hein? Et l'autre verset que le cheikh a cité ensuite, verset 25, dans surat al-Anbiya, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, le verset 25 dans surat al-Anbiya, et nous avons envoyé de messagers avant toi, excepté que nous lui avons révélé que rien ne mérite d'être adoré excepté moi, alors adorez-moi. C'est-à-dire, ils ont tous enseigné à leur peuple la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et c'est par ça qu'ils ont commencé leur message et leur mission. Ils n'ont pas commencé par d'autres choses. Donc aujourd'hui, tu vois par exemple des gens qui parlent de l'islam et qui prétendent appeler à l'islam, et pourtant, ils mettent le tawhid comme si c'est la dernière des choses. On n'en parle que à la fin. Allah musta'an. Non, c'est la base, c'est la priorité, c'est le plus important, et c'est sur ça qu'il faut commencer. Il y en a, ensuite, le cheikh, il a cité le verset 2 dans surat al-Nahl, « Yunazzilu al-mala'ika, ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبد إلا أنا فاتقون. الله سبحانه وتعالى dit dans ce verset ce qui signifie et nous faisons descendre les anges avec l'esprit venant de lui sur qui il veut de ses serviteurs pour avertir que rien ne mérite d'être adoré excepté moi, alors craignez-moi ou bien préservez-vous contre moi, c'est-à-dire ayez, faites preuve de taqwa vis-à-vis de moi, préservez-vous contre mon châtiment en m'obéissant et en m'adorant moi seul et en vous écartant de ce que j'ai interdit et ainsi de suite. Et donc tous les messagers ont débuté leur da'wah de cette façon-là et on voit ça dans surat al-A'raf, dans les différents versets 59, 65, 73, 85, tous les messagers, que ce soit Nuh, Hud, Salih, Shu'aib, tous les autres prophètes, 59, 65, 73, 85, ces versets-là dans Surat al-A'raf, on voit ces différents prophètes qui sont mentionnés, et à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils ont mentionné à leur peuple, « U'budu Allah, ma lakum min ilahin ghayruh. » C'est-à-dire, adorer Allah, vous n'avez aucune divinité à adorer, qui mérite d'être adorée autre que lui. Et le verset 16 et 17 dans Surat al-Ankabut, qala ta'ala, wa Ibrahim idh qala li qawmihi i'budu Allah wa attaquuh, dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. الله سبحانه وتعالى dit dans les versets 16 et 17 dans sourate al-Ankabut l'exemple de Ibrahim alayhi salam. Il dit, et Ibrahim lorsqu'il dit à son peuple, adorez Allah et préservez-vous de lui. Il dit, voici ce qui est meilleur pour vous, si vous saviez. Et il dit ensuite, vous n'adorez en dehors d'Allah que des idoles. Et en arabe, le terme idole, il peut être employé, ou bien on peut utiliser le terme awthan, qui est le pluriel de wathan, ou bien asnam, qui est le pluriel de sanam. Et la différence entre al-wathan et al-sanam, c'est que al-sanam, c'est qu'est-ce qui est gravé ou sculpté dans une forme d'animal ou d'être humain. Tandis que al-wathan, c'est une chose qui n'a pas nécessairement une forme. Ça peut être un arbre, ça peut être une roche, ça peut être quelque chose que les gens adorent en dehors d'Allah, ça peut être une tombe, c'est, peu importe. C'est pas, il n'y a pas une forme spécifique humaine ou animale ou quelque chose de ce genre. Donc, ici, Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala, il le cite en disant qu'il a dit à son peuple, vous n'adorez en dehors d'Allah que des awthan, des idoles. Et il dit, وَتَخْلُقُونَ إِفْكَ, vous inventez un mensonge. Le peuple de Ibrahim alayhi salam, c'est les gens de la Babylonie à l'époque. Et ces gens-là, les Babyloniens, c'était des gens, c'est là qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui Bagdad ou l'Irak. C'était la région de laquelle venait Ibrahim alayhi salam. C'est des gens qui adoraient des étoiles, qui adoraient les constellations, qui adoraient des statues. C'était des mushrikins. Et donc, Ibrahim alayhi salam dit, vous n'adorez en dehors d'Allah que des idoles. Et vous créez un mensonge. Ceux que vous adorez en dehors d'Allah, ils ne détiennent pas la capacité de vous donner votre subsistance. La yamlikuna lakum rizqa. Ils ne détiennent pas pour vous le risque. Alors, recherchez votre risque, votre subsistance d'Allah, lui seul, et adorez-le, lui, lui seul, et soyez reconnaissant envers lui. C'est vers lui que vous serez retourné, ou ramené. Donc ça, c'est la preuve que Ibrahim alayhi salam, il a appelé son peuple. La première chose qu'il a fait, c'est les appeler au tawhid. L'exemple aussi de Yusuf alayhi salam, lorsqu'il était dans la prison, et qu'il a dit, ya sahibay sijn, أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Donc dans les versets 39 et 40 dans sourate Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne le discours de Yusuf alayhi salam à ses compagnons de prison. Et quand il les a appelés au tawhid, il les a appelés au tawhid et il leur a expliqué le danger du shirk et l'égarement du shirk. Il a dit, ô mes deux compagnons de prison, est-ce que des seigneurs séparés, divisés, sont meilleurs ou Allah, l'unique, le contraignant? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventé et que vous appelez vous-même, que vous avez appelé vous-même et vos ancêtres, vos parents, au sujet desquels Allah n'a fait descendre aucune autorité, aucune preuve. Le jugement ne revient qu'à Allah, il n'appartient qu'à Allah. Il a ordonné que rien ne doit être adoré excepté lui, lui seul. Voilà la religion de la droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. La religion de la droiture, c'est le tawhid. Et Yusuf alayhi salam, qui est le fils de Yaqub, qui est un des grands prophètes parmi les prophètes, le fils de Ibrahim. Le fils de Ishaq, et Ishaq qui est le fils de Ibrahim alayhi salam. Donc, c'est pour dire, descendant d'un prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à propos de Yusuf que c'est un prophète, fils de prophète, fils de prophète. Alayhi salam. Donc, il a commencé la da'wah en appelant au tawhid et en expliquant à ses compagnons la laideur et la gravité du shirk et la fausseté du shirk. Le shaykh, il dit, ensuite, il mentionne, il dit, yani, les mushrikoun, peu importe qu'est-ce qu'ils font comme shirk, ils n'ont aucune preuve pour le justifier. Ni dans la raison qui est saine, ni dans la révélation qui a été transmise de la part des messagers. Donc les mushrikoun, c'est pas possible qu'un mushrik ait une preuve pour justifier ou pour rendre valable le shirk qu'il pratique. Et il mentionne le shirk dans le verset 45 dans Surat Az-Zukhruf. Et c'est un verset que j'aime beaucoup. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَتَيْنِ يُعْبَدُونَ. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. Donc ça c'est une question en fait. Allah subhanahu wa ta'ala dit, demandez à ceux demandez ceux que nous avons envoyés avant toi comme messagers. Est-ce que nous leur avions donné une divinité à adorer autre que Ar-Rahman, autre que Allah, hein, à adorer? Est-ce qu'on leur avait donné une divinité autre que Allah à adorer? Et ça c'est yani pour dire que tous les messagers que tu regardes qui ont été envoyés, même dans les livres que possèdent les juifs et les chrétiens aujourd'hui, il y en a, quand tu lis, que ce soit l'Ancien Testament, hein, au complet, tu vas le lire du début jusqu'à la fin, tu ne vas jamais trouver dans le livre un endroit où c'est écrit qu'un prophète enseigne à des gens d'adorer quoi que ce soit en dehors d'Allah. Tu ne vas jamais trouver ça nulle part. Tous les prophètes, tous les messagers qui ont été envoyés, depuis Adam alayhi salam jusqu'à yani, tous les prophètes de Bani Israël, jusqu'à Isa alayhi salam, la même chose, même Isa, tu ne trouveras pas dans leurs propos quoi que ce soit qui indique ou qui prouve que quelqu'un a le droit d'adorer ou d'invoquer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est une preuve solide, hein, et un argument solide pour dire que la religion des prophètes c'est une religion unique. Et le cheikh il explique la signification de ce verset. Il dit: والمعنى أنه لا يوجد أحد من المرسلين دعا إلى عبادة إلهة مع الله بل كلهم من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. Ça c'est un des arguments et des preuves les plus solides et les plus fortes pour établir le tawhid et l'unicité d'Allah. Et je l'utilise souvent. Quand je débat avec des chrétiens ou quand je discute avec des chrétiens, j'utilise toujours ça comme principe. Hein? Comme c'est eux, par exemple, ils prient à Jésus. Ils disent, est-ce que tu as trouvé parmi tous les prophètes que Allah a envoyés, depuis Adam, depuis Nuh, depuis Ibrahim, Ya'qub, Ishaq, Ismaïl, Sulaiman, Daoud, n'importe quel autre prophète, est-ce que tu en as trouvé un d'entre eux qui ont prié à Jésus? Hein? Jamais. Puis là, tout d'un coup, tu dis, il y a un qui est arrivé, puis à partir de lui, maintenant, on peut plus adorer Allah seul, hein, le créateur des cieux et de la terre. Maintenant, il faut commencer à adorer quelqu'un d'autre, un autre nom, que les premiers prophètes n'ont jamais entendu, et n'ont jamais connu, et n'ont jamais mentionné, hein, comme étant leur divinité. Ça fait pas de sens. Ça, c'est une coupure dans l'enseignement des prophètes, une contradiction dans les fondements et les bases même de la religion. Ça ne peut pas être accepté. Hein? C'est ce qui montre la fausseté de cette religion-là, la fausseté du christianisme. Parce qu'elle vient en coupure avec l'enseignement de tous les messagers que Allah a envoyés depuis le début des temps, hein, jusqu'à la fin. Et même en contradiction avec les enseignements de Jésus lui-même. Parce que Jésus n'a jamais enseigné même aux gens de l'adorer lui-même, ou de le prier lui, hein, et de l'adorer. Ni ses compagnons, ni sa mère, hein, jamais. Et pour compléter, donc on est à la fin, le cheikh il dit: وَنَبَّهَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ إِلَى دَلِيلٍ عَقْلِيٍ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné une preuve rationnelle pour détruire le shirk que pratiquent les idolâtres, les mushrikin. Et il dit dans le verset 4, dans Surat Al-Ahqaf, un verset qu'on a cité tout à l'heure: قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. يعني دي أو محمد أسيجان parmi les mushrikin, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Ont-ils une part quelconque dans les cieux? Ramenez-moi un livre avant celui-ci, ou une trace de science quelconque, si vous êtes véridique. Il dit ça, c'est une preuve rationnelle et irréfutable, hein, que yani, toute adoration qui est offerte à autre que Allah est fausse. Puisque personne ne peut prétendre avoir créé quoi que ce soit dans l'univers, dans les cieux ou sur la terre. Hein? وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مُعَاوَنَةٌ عَلَى خَلْقِ شَيْءٍ. C'est-à-dire ils ne peuvent pas prétendre avoir aidé Allah avoir aidé à créer quoi que ce soit avec Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنَّمَا اللَّهَ وَحْدَهُ الْمُتَفَرِّدُ بِذَلِكِ. Donc, et c'est Allah seul qui a tout créé, et c'est lui seul qui a fait tout ça. Alors dans ce cas-là, pourquoi les adorer? Pourquoi adorer autre qu'Allah? Puis ensuite il dit, il a nié que les mouchriquins puissent avoir une preuve quelconque dans la révélation des livres précédents, ou bien dans les paroles des messagers qui ont été envoyés avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui justifierait la chose ou la position ou le shirk qu'ils auraient pratiqué. Et donc, ça c'est une preuve, ça c'est un argument solide pour montrer que les mouchriquins n'ont aucune preuve pour justifier le shirk qu'ils font. فَكَانُوا مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ فِي جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Donc à cause de ça, ils seront en enfer pour l'éternité. Et quelle mauvaise destination. وَمِمَّا تَقَدَّمَ يُعْلَمُ أَنَّ هَذَا التَّوْحِيدُ هُوَ أَوَّلُ الْوَاجِبَاتِ وَأَهَمَّ الْمُهِمَّاتِ وَهُوَ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ أَحَدٍ دِينًا سِوَاهُ. Donc pour terminer, le cheikh il dit, et d'après ce qu'on a mentionné précédemment, on peut savoir que ce tawhid, c'est la première de toutes les obligations. Et c'est la plus importante de toutes les choses importantes dans la religion. Et c'est la religion, que personne n'acceptera d'autres religions autres que celle-ci. Personne va accepter, Allah ne va pas accepter une religion autre que celle-ci de quiconque. Et ça, c'est ce qui clarifie que quand on dit que tous les messagers sont venus avec l'islam, tous les messagers sont venus avec l'islam, l'islam, on a dit que ça voulait dire la soumission, et tous les messagers d'Allah sont venus avec l'islam, et les ulama expliquent que l'islam, dans son sens général, c'est dans le sens du tawhid, c'est le sens de l'unicité d'Allah. Et donc, tous les messagers sont venus avec le message du tawhid et de l'unicité d'Allah. Maintenant, en ce qui concerne les règles et les lois et les législations, c'est différent d'un messager à l'autre. Mais le message de base fondamental qui est le tawhid et l'unicité d'Allah dans l'adoration, ça ne change jamais. Depuis le premier des prophètes jusqu'au dernier, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous appelé et enseigné le même message fondamental et la même religion. À part les chrétiens qui ont déformé la religion de Isa alayhi salam, et les juifs qui ont déformé la religion de Moussa alayhi salam, mais les chrétiens plus que les juifs, parce que les chrétiens, ils ont fait de Jésus une divinité, et ils ont inventé la Trinité, chose que les juifs n'ont pas fait. Les juifs n'ont pas fait, même s'ils ont quand même également eux aussi des égarements dans la croyance et dans le tawhid aussi. On en a mentionné quelques-unes, comme le fait d'avoir attribué à Allah la fatigue le septième jour et d'autres problèmes aussi qu'ils ont. Mais sinon, c'est clair que la Trinité, ça c'est un des plus grands blasphèmes qui a été inventé dans la religion. Allah al-Musta'an. On va s'arrêter ici pour le moment. Donc je pense qu'on pourra prier la prière de Isha, et puis après ça, si vous avez encore de l'énergie, on va faire une autre partie encore, Inch'Allah. On va commencer les piliers de la foi, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.